Les Dépravés, chapitre 9. On a vu que l'amant de Geneviève, plein de dégoût et d'horreur contre lui-même, avait jeté par-dessus bord tous les plans paternels et toutes les considérations de famille. Sa maîtresse avait la beauté d'une héroïne, mais il s'était cru aimé bourgeoisement, et à la première épreuve, celle qui ne s'était pas donné la peine de comprendre franchissait d'un pas toutes les limites de la passion la plus folle. Cette douceur calme qui présidait à l'uniformité du train-train de sa vie, il l'avait prise pour une sorte d'atrophie des fonctions du cœur, et c'était la sérénité d'un amour inaltérable. Il lui avait souvent dit en riant « Toi, tu es en pâte de guimauve ». Il se trouvait qu'elle était en bronze. Elle n'est pas rare la femme qui, le jour où vous lui reprochez d'avoir acheté une ombrelle de 200 francs pour aller faire son marché le matin, s'écrie en rugissant « Comme toute une ménagerie, il faut en finir, je vais me jeter par la fenêtre ». Alors si, au lieu de bondir du côté de l'espagnolette, en retenant un ungibus et rostro, votre dame par ses vêtements, vous vous dirigez d'un pied tranquille vers la croisée, si vous l'ouvrez à deux battants en lisant d'une voix mielleuse, « Ma bonne amie, puisque tous mes raisonnements et mes efforts ne peuvent parvenir à ébranler ta décision, puisque ton parti est absolument pris et que tu veux sortir de ce vaste désert d'hommes improprement appelés la foule, qu'il soit fait selon ton irrésistible résolution. Seulement moi qui t'ai tant aimé, je ne supporterai pas que tu t'exposes à froisser tes jolies mains en ouvrant brusquement une fenêtre dont les ferrures endommageraient tes doigts chéris. Souffre donc que je te rende le dernier service qui te soit donné de recevoir de moi désormais et que j'aide dans la mesure de mes forces à t'aplanir le chemin du tombeau. Soyez convaincu que le sceau fatal constamment suspendu sur votre ménage, sera, pour cause d'indisposition, remise à un autre jour, où la désespérée tournera sur elle-même et tombera anéantie en décrivant avec ses jupes de ses ronds que les petites filles intitulent des fromages, et en murmurant ces paroles « Je n'ai même plus la force de me traîner jusque-là » ou, attendez-vous à la voir, plus probablement, s'élancer, puis s'arrêter, comme par enchantement, à deux pas de l'ouverture béante, en vous interpellant en ces termes, « Lâche, tu en as bien envie, n'est-ce pas, que je meure ? Mais je ne te ferai pas cette joie, je vivrai. » Les suicides à grand orchestre n'ont jamais eu rien d'inquiétant, mais la femme, la vraie, celle qui n'étant, quoi que dit Proudhon, ni ménagère ni courtisane, se tue sans menace préalable, après avoir aimé sans éclat de voix, celle qui ne peut pas se dire, avant de plonger dans l'espace, « Me voici, à cette heure, jeune et embaumée, dans un instant, je ne serai pas seulement morte, je serai laide, je serai hideuse. Mes dents de perles joncheront le pavé, mes yeux de velours seront hors de leurs orbites, mes bras blancs, mes mains roses, mes poignets effilés seront tuméfiés et tordus, mes genoux nacrés comme des coquillages, auront leurs rotules broyées et leurs articulations ouvertes, et l'homme pour qui je meurs ne pourra, sans un frissonnement de dégoût, jeter les yeux sur mes restes informes. Celle qui voit se dérouler devant elle cet épouvantable tableau et qui, au lieu de reculer avec terreur, se jette résolument en avant, celle-là, quand elle succombe, c'est l'éternel remords. Et quand par miracle elle en réchappe, c'est le phénix, car elle renaît bien réellement de ses cendres. Maximilien fit jeter un matelas au pied de son lit et passa deux nuits et deux jours à épier les moindres contractions de la bouche, les plus simples mouvements de paupières. Tous les quarts d'heure, il renouvelait les compresses d'eau sédative sur le pied, légèrement foulée. « Dors donc, lui disait-elle. Si tu ne dors pas, tu tomberas malade, et c'est moi qui serai obligé de te soigner. » Ce serait par trop drôle. Les 48 heures que Max avait passées sans paraître chez son père avaient jeté celui-ci dans un trouble inexprimable. Il flairait quelques malheurs, dont le moindre pour lui, constatons-le, était un accident arrivé à Max, une chute de voiture ou un duel. C'est autre chose, se répétait-il. S'il était cloué par quelques blessures, j'aurais reçu une lettre ou une dépêche. Le matin seulement du troisième jour, Ouzelot entendit une clé discrète tourner dans la serrure de l'appartement de son fils. « C'est donc toi, lui dit-il en franchissant le corridor qui séparait les deux logements et en saisissant Max par le bras. Quelle frayeur tu nous as causée! Des couches 2 jours de suite et à la veille de te marier. Est-ce que tu aurais enterré ta vie de garçon? Je l'ai enterré, comme tu dis, répliqua Maximilien. Ma foi, dit Houzelot, un peu rassuré, tout est prêt maintenant. Nous sommes à tes ordres. Vois-tu quelque inconvénient à ce que la célébration ait lieu dans un mois? Un mois, c'est bien long. J'aurais désiré être marié au plus tard dans 3 semaines. Cet empressement parut singulier au docteur, qui eut vaguement l'indice de quelque revirement instantané. Dans 3 semaines, si tu y tiens, fit-il, sans essayer de cacher sa surprise. Mais comme je ne puis pas épouser ma Geneviève avant qu'elle soit totalement rétablie, interrompit Maximilien, il est en effet probable qu'elle ne sera pas ma femme avant un mois. Geneviève, qui appelles-tu Geneviève? Si je comprends un mot à l'histoire que tu me contes là, fit Houzelot, devenu vert. L'histoire que je te conte est pourtant facile à comprendre. Je n'épouse pas Mademoiselle Mathusem, et j'en épouse une autre. Rien n'est plus clair. Ah! S'exclama Houzelot, pour qui tous les voiles se déchiraient. Je me doutais bien que tu me trompais tous. Je ne trompais personne que Geneviève. Et elle m'en a puni, la chère âme, en se tuant pour moi. Oui, je devine, la scène de l'asphyxie, on allume un fourneau et elle... Tu ne devines pas tout. Elle n'a pas fait semblant d'allumer un fourneau. Elle s'est tout bonnement jetée du 5e sur le pavé. Et elle vit? C'est particulier. Elle vit? Parce qu'un miracle a voulu qu'il se trouve à la hauteur du premier, une marquise étendue entre elle et la rue. Mais elle peut mourir ce soir, demain, dans 8 jours. Cette explication est-elle concluante? Si elle meurt, ce sera là en effet un événement de nature à retarder ton mariage avec Mademoiselle Mathusem. Mais non, à l'empêcher. Si au contraire, elle ne meurt pas. Si elle meurt, reprit Maximilien, outré de l'attitude de son père, qui semblait traiter le suicide de Geneviève comme un simple événement médical, si elle meurt, comme je serai incontestablement son meurtrier, je n'irai pas m'imposer le supplice de passer le restant de mes jours aux côtés de Mademoiselle Léocadie, cause indirecte de sa mort. Si elle vit, comme je l'espère, comme j'y compte bien, je n'irai pas l'assassiner de nouveau en épousant une autre. Je compte même sur toi, mon père, pour expliquer à mon ex-futur que je consens à être tout ce qu'on voudra, un homme léger, un infidèle, un farceur, mais que je suis obligé de lui rendre sa parole sous peine d'être un scélérat. Ah, la malheureuse enfant, que va-t-elle devenir? S'écria Houzelot, comme si le sort de Léocadie était une de ses principales préoccupations. Est-ce que par hasard tu crains qu'elle ne se jette aussi par la fenêtre? Ainsi, dit Houzelot, voyant que l'éloignement de son fils pour Léocadie montait insensiblement jusqu'à la haine, tu lui préfères décidément la plus pauvre des ouvrières. Geneviève, pauvre, elle m'apporte en mariage 5 étages sautés pour moi. Trouve-moi une femme qui ait une pareille dot à offrir à son mari. Soit, je ne te parlerai pas de cette jeune fille que tu ne connais à peine. En effet, je ne te parlerai même pas de moi qui... Tu as raison. Tout doit se taire devant la preuve d'amour que m'a donnée Geneviève. Elle est ma femme d'abord, parce qu'elle a payé assez cher le droit de porter mon nom. Ensuite, parce que loin qu'elle soit indigne de moi, j'en suis à rougir d'être si peu digne d'elle. Et enfin, et surtout, parce que je viens de faire à son sujet une double découverte, c'est qu'elle est adorable et que je l'adore. Le vitriol de l'ambition, en pénétrant peu à peu dans l'âme du médecin candidat, y avait creusé des ulcérations si profondes que son fils lui apparut en ce moment comme le plus dangereux de ses adversaires politiques. Il se vit cette fois plus bas que jamais, car le dilemme était tel entre la mort de Geneviève, si Max revenait à Léocadie, et la perte du docteur, si Max restait à Geneviève, qu'aucun moyen pratique ne se présentait d'en sortir. Le gouffre qu'il vit sous ses pas lui fit tourner la tête. Il commit la faute de s'irriter. « Au moins, dit-il, avec amertume, tu aurais pu prendre ton parti plus tôt et m'épargner les 200 000 francs que me coûte déjà ton projet d'établissement. Tu as toujours le droit de renoncer à l'acquisition de l'hôtel de la rue Bayard, puisque l'acte de vente ne devait être signé qu'après demain matin. Quant aux dépenses déjà faites, je m'engage à te les rembourser. » « Et avec quoi donc ? Voilà 4 ans que tu bats le trottoir des boulevards. Tu ne sais absolument rien faire, et si la fantaisie me prenait de te refuser les subsides dont tu as besoin, je serais curieux de savoir comment vous vous tireriez d'affaire, toi et ta fleuriste. Loin d'humilier Maximilien, cet argument ad hominem eut pour effet de l'enflammer encore. Eh bien, dit-il, je sais lire et écrire, je ferai comme beaucoup d'autres, je me placerai. Quant à Geneviève, elle n'a besoin de personne. Elle travaille et gagne largement sa vie. C'est cela, tu pourras courir les magasins avec ta femme, un carton sous le bras, tu l'aideras à placer sa marchandise. Parfaitement. Et si nous avons des fils, nous nous arrangerons pour qu'ils ne soient pas obligés de s'unir un jour avec des petites filles de Mathusalem. Le coup était direct. Ouzelot, hors de lui, ne trouva à y opposer que cette ultima ratio regum. En attendant, comme tu n'as que 22 ans et qu'on est majeur pour le mariage seulement à 25, je te donnerai le temps de réfléchir en te refusant mon consentement jusque-là. Voilà qui nous est inférieur, reprit Max avec un rire de défi. Elle continuera à être ma maîtresse, et tant pis pour ceux qui ne la respecteront pas autant que si elle était ma femme. Le père et le fils se quittèrent sur ces aigreurs. Le docteur s'aperçut bientôt qu'il avait fait fausse route. J'ai eu tort de m'emporter, dit-il à Max, quand celui-ci, vers 5 heures, revint de chez Geneviève, que sa seule douleur au pied retenait encore au lit. Si réellement cette jeune fille a préféré la mort à ton abandon, je n'ai plus qu'à m'incliner. L'amour sincère est ce qu'on peut rêver de plus vénérable. Je serais heureux d'aller un peu voir ta malade. Si elle doit devenir ma bru, c'est bien le moins que je connaisse sa figure. Max se hâta d'indiquer à son père la maison où Geneviève, heureuse comme elle avait été de sa vie, attendait que sa guérison prochaine lui permît d'être plus complètement heureuse encore. Ouzelot, avec sa belle prestance et son ruban de la Légion d'honneur, fit sensation parmi les voisines qui se reliaient au tué auprès de la blessée. Il se présenta, comme envoyé par la faculté de médecine, pour relater ce cas extraordinaire d'une jeune fille tombée impunément d'un cinquième étage. Mis en sa présence, il resta stupéfait devant la grandeur insolite et la forme si étrangement allongée de ses yeux noirs. Geneviève, qui avait cru reconnaître le pas de son Max, les tenait grands ouverts, couvant par avance du regard celui qu'elle attendait. Sa déception fut grande en apercevant le docteur, mais à peine lui eut-il adressé cette question, souffrez-vous beaucoup, mademoiselle, qu'elle s'écria en rugissant jusqu'aux oreilles. Ah, vous êtes son père. En effet, fit Ouzelot, mais je viens ici moins comme père que comme médecin. La conversation fut très amicale. Les voisines ouvrirent la fameuse fenêtre afin que le père du jeune homme pût mesurer à la fois le gouffre et l'amour de Geneviève. L'un et l'autre lui parurent tellement profonds qu'il en ressentit un double vertige. Une femme qui est allée jusque-là est maîtresse du terrain, se dit-il. Il avait cru trouver une exaltée et une gesticuleuse. Il était en face d'une enfant qui n'osa pas prononcer une seule fois le nom de celui pour qui elle avait donné sa vie. Elle parla de l'accident comme si sa volonté, son courage et son désespoir n'y eussent été pour rien et qu'elle fût tombée du cinquième étage par mégarde. Les arts manquaient pour combattre victorieusement une telle ennemie. Le docteur prit le parti d'aller tout raconter à Mathusalem. Au moins celui-là ne se laissera pas attendrir, pensa-t-il. Au récit qu'il fit à la famille assemblée, y compris Madame Mathusalem et son fauteuil, récit complet où rien n'était sous-entendu, pas même l'impression que l'avait produit Geneviève, les paupières du fournisseur s'ensanglantèrent. Mademoiselle Léocadie s'affala sur le moins dur des canapés de la maison, et Elvire, qui achevait son ménage, donna un coup de balai si exaspéré qu'un nimbe de poussière se développa dans la chambre. Ainsi, vous venez nous reprendre votre jeune homme, demanda Mathusalem, dont la nature grossière cherchait à se frayer, à force de brutalité, l'exutoire dont elle avait besoin. Je viens simplement vous proposer un échange, répondit Ouzelot. Quel échange? Fit Mathusalem. Est-ce que vous avez un autre fils? Ouzelot fit signe à l'entrepreneur qu'il avait à lui parler en tête à tête. Non que ce qu'il avait à lui communiquer dût rester secret pour le reste de la famille, mais parce qu'il tenait, en le disant, à ne pas rougir devant quelqu'un. Mathusalem indiqua d'un regard aux trois femmes la pièce d'à côté. Léocadie se jeta en sanglotant dans les bras de Madame Mathusalem, c'est-à-dire dans ceux de son fauteuil, qu'Elvire se mit à pousser devant elle, avec une fureur à le faire dérailler. Voici quelle était l'offre du docteur. Il voulait consacrer à l'établissement des deux enfants 200 000 francs environ. Le mari se dérobait, mais les 200 000 francs étaient toujours là. L'entrepreneur les ajoutait aux 55 000 qu'il devait donner à sa fille, ce qui lui constituait une dot de 255 000 francs, grâce à laquelle elle se mariait à peu près à son gré. Moyennant cette cote mal taillée, Max recevait son exéate, le dossier Valérie était anéanti, et la candidature Ouzelot reprenait son essor sans courir le risque d'être inquiété. On voit bien que vous n'avez jamais été dans les affaires, répondit Massusem, sans essayer de dissimuler le mépris que lui inspirait la candeur d'Ouzelot. D'abord, quand vous m'aurez versé vos 200 000 francs, quelle garantie aurez-vous contre moi? Et qui m'empêchera, après avoir encaissé, de faire publier quand même votre jugement, que je sais par cœur, et que vous ne pourrez jamais contester? Votre seul gage de ma discrétion, c'est l'union de nos deux familles. Je n'irai évidemment pas faire tort à la réputation du beau-père de Maléocadzi. En second lieu, ce que j'envie pour la petite, c'est le monde où vous vivez. C'est votre situation de futur député, de futur ministre peut-être, car on m'a répété que vous parliez admirablement, et un député qui parle bien finit toujours, à un moment donné, par devenir ministre. Quant à l'argent, mon beau monsieur Ouzelot, avant 10 ans, j'en aurai plus que vous. Que nous parvenions, Léocadie et moi, à faire lever nos détenus à 4 heures du matin, qu'on leur donne la viande une seule fois par semaine au lieu de deux, comme j'espère y arriver, et vous verrez qu'il me sera difficile d'avoir des hôtels, des chevaux, des voitures et tout le tremblement. D'ailleurs, si je trouvais quelque jeune homme pauvre qui la prendrait pour sa fortune, le jour où on saurait que je mets 250 000 francs dans sa corbeille, on se demanderait d'où ils viennent et ma position en souffrirait. Assez de gens crient déjà après moi pour les méchants billets de banque que j'ai amassés. Alors c'est fini. Nous n'avons plus qu'à nous souhaiter le bonsoir. Mais pas le moins du monde. Dieu, comme il vous faut peu de choses pour plaider en séparation. C'est un accroc, voilà tout. Il s'agit que de le raccommoder en se montrant un peu débrouillard, comme nous disons dans les prisons. Mais j'ai remarqué que vous n'êtes pas du tout débrouillard. D'abord, la jeune fille, la fausse morte, a-t-elle un père, une mère, un tuteur, n'importe qui? Non, elle m'a raconté qu'elle n'avait jamais connu sa famille, qu'elle ne savait pas d'autre nom que celui de Geneviève, et qu'elle se croyait orpheline. Ah, eh bien voilà, voilà qui est très bon. Comme elle ne peut pas se marier sans le consentement de ses parents, si elle en a, vous ferez semblant de les chercher. C'est 2 mois de gagné, au bas mot. C'est une idée, en effet, en admettant qu'on la retrouve, cette famille. Et il y a des chances pour qu'elle soit d'apparence et de nature à faire reculer Maximilien. D'autant plus qu'il a l'air assez fiero, votre garçon. Allons, remontez sur votre bête et tenez-moi au courant. Rien n'est encore désespéré. Moi qui vous parle, si vous saviez d'où je suis revenu. Le soir même, le docteur fit cette déclaration à son fils. J'ai vu ton amoureuse, elle est vraiment jolie, je la crois sincère. D'ailleurs, vous vous aimez. On ne discute pas plus avec l'amour qu'on ne badine avec lui. Il ne me reste plus qu'à être renseigné sur ses ascendants. Je dois savoir quel père je dois demander pour toi, la main de sa fille. Mais, dis-je Max, Geneviève a toujours assuré qu'elle était orpheline. Orpheline, non. Elle ignore quels sont et où habitent ses parents, s'ils vivent ou s'ils sont morts. Elle n'est même pas bien sûre d'avoir un nom de famille. Elle m'a conté tout ça aujourd'hui avec une grande franchise. Pas de famille, mais c'est pas béni. Sans doute, seulement, il faut être d'abord sûr qu'il n'en existe aucune. Te figures-tu, le mariage ayant eu lieu sans consentement quelconque, que 2 mois après, il vous tombe un père au milieu de votre bonheur. Ce serait peut-être un cas de nullité. Tu sais bien que non, papa. Elle ne peut pas se marier sans qu'un acte de notoriété constatant l'absence de ses parents ait été authentiquement dressé. Très bien, mais si, après avoir abandonné sa fille dans son enfance, pour n'avoir pas à la nourrir, le dit père, en apprenant qu'elle a trouvé un galant homme pour en faire sa femme, venez, son identité à la main, demander place à ton foyer et à ta table, ce serait peu gai. C'est dans tous les cas assez improbable. Pourquoi donc? Et si, pour accentuer la situation, ce père revenait au sein d'une autre famille, après avoir ramé 10 années sur les galères de sa majesté, nous vois-tu avec un forçat libéré sur les bras? Tu pousses tout de suite les choses à l'extrême, répliqua Max, un peu ému de la possibilité d'une telle aventure. Néanmoins, il y a, je reconnais, des démarches à faire dans le sens que tu indiques. Il courut incontinent chez Geneviève. Ma chérie, lui dit-il, mon père te trouve charmante. Il consent à tout. Le seul point qui reste à régler est celui qui regarde le consentement de tes parents, si tu en as, et la preuve de leur disparition ou de leur décès, si tu n'en as pas. Possèdes-tu seulement un indice? Depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 15, j'ai travaillé chez un vieux commissionnaire en fleurs qui m'a appris mon état. Il me faisait porter chez ses clients des cartons très lourds, mais il était assez bon pour moi. Et ton père, ta mère, tes frères ou sœurs, t'en parlaient-ils? Il ne m'en a jamais ouvert la bouche. Dans la maison, j'ai toujours passé pour orpheline. Et supposes-tu que tu sois né à Paris ou que tu y aies été amené? À première vue, tu n'as rien d'une parisienne. Tu marches comme une statue antique qui ferait le tour de son piédestal. Tu parles peu, tu n'es ni prétentieuse, ni coquette. J'ai quelquefois pensé que tu pouvais être d'origine grecque. Tu me trouves l'air gauche? Hein? Avoue que tu me trouves l'air gauche, insista Geneviève, qui à travers cet interrogatoire a vu cette crainte unique déplaire à Maximilien. Tu as en effet d'une gaucherie remarquable, répondit le jeune homme en l'embrassant passionnément sur les deux yeux. Car tu pourrais avoir des bagues plein les doigts, des bracelets plein les bras, des loges à toutes les premières, et tu es couché dans un mauvais lit au fond d'une petite chambre au cinquième, avec des bosses à la tête et un pied foulé. Je te disais donc, reprit Geneviève, rassurée par les baisers et les serments de main que lui prodiguait son amant. Que te disais-je donc, au fait? Ah oui, que jusqu'à 7 ans, je n'ai conscience de rien. Deux ou trois fois, en feuilletant des journaux illustrés, je me suis répété dans certains paysages. Je connais ça, bien sûr, je connais ça. Et quels sont ces paysages que tu croyais connaître? Ah, par exemple, je ne m'en souviens plus. C'était comme un éclair, et puis, crac, plus rien. Et qui te permet d'affirmer que j'ai entré en apprentissage à l'âge de 7 ans? C'est une supposition que je fais. Je dis 7 ans comme je dirais 5. Car je vais t'avouer une chose, bien honteuse pour une femme, je ne sais pas mon âge. Ne te désole pas, fit Max en riant. J'en ai connu tant d'autres qui savaient le leur mieux qu'elles auraient voulu. T'est-il jamais revenu à la mémoire des mots ou des phrases appartenant à un patois quelconque? Ma foi, non, il ne m'est resté de mon enfance qu'un couplet de chansons que je n'ai jamais oublié, parce que chez mon premier patron, je le fredonnais continuellement en travaillant. Répète-le un peu, ton couplet. Ah, Max le chante si mal, et puis c'est d'un bête, tu vas te moquer de moi, c'est aussi sûr. Ah, bien, Geneviève, si tu refuses de m'aider dans mes recherches, tu sais, les airs, ça vous revient, c'est plus fort que soi. Quand tu n'es pas là, je ne peux pas m'empêcher de le chanter à tue-tête. C'est une manie. Allons, j'écoute. Geneviève se tint avec un peu d'effort, assis sur son lit, et entama le couplet suivant d'une voix gutturale qui rendait merveilleusement l'air bizarre et probablement espagnol auquel il était adapté. Quand il paraît dans les gourbis, on voit déraper les arbis, car il émène à coups de tric le capitaine Paul de Brique. Le rythme est celui d'un pas redoublé, et les paroles appartiennent à quelques légendes de soldats, dit Max, après avoir redemandé deux fois le couplet. Les arbis, c'est-à-dire les Arabes, leurs gourbis sont les réunions de tentes où ils établissent leur campement. Ces mots-là ne te représentent-ils rien? Si, j'ai comme des lueurs, mais c'est si vague. Bien, repose-toi, mon ange, c'est à moi maintenant à remuer ciel et terre jusqu'à ce que nous ayons pu établir quelque chose de précis. Fin.